Radio Mont-Blanc, l'agenda. Demain, l'association Les Coquillettes Vertes vous invite à sa fameuse fête de la courge. C'est au plateau d'Assy. Début des festivités avec un concours de pétanque dès 13h30 et la fête commencera officiellement à 15h avec la présence de différents stands. Jeux, gratiféria, vous apportez vos vêtements ou objets à donner et vous repartez avec d'autres gratuitement ou pas. Maquillage, crêpes et en fin de journée, venez voir la traditionnelle coupe des courges avant de les déguster. Et à partir de 19h30, place au concert jusqu'à 1h du matin, tout pile. Journée et repas à prix libre, c'est plateau d'acide demain samedi. La Megevan est de retour, le trail 100% féminin où chaque participant débutante ou confirmée peut repousser ses limites avec deux parcours au choix de 9 ou 16 500 km. Mais la fête ne s'arrête pas là, toute la famille pourra partager l'aventure, des courses dédiées aux enfants, courses déguisées accessibles à tous et pour clôturer la journée, une soirée after run avec repas et concerts sous chapiteau. Et à l'occasion d'Octobre Rose, la Megevan renforcera son engagement pour la prévention et la lutte contre le cancer du sein. Cette année encore, une partie de l'inscription sera reversée à l'association Les Bonnes Fées. Vous voulez gagner votre dossard pour les courses principales? Envoyez Megevan sur le WhatsApp de Radio Mont-Blanc 04 50 58 24 47.